reine, que les poètes ont disparu. Hola, eso es un nuevo episodio de La Chanson. Cours ton corps dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Me llamo Andrés y me acompaña Miguel en la técnica. Bueno, ya estamos en el periodo navideño. Ya podemos observar que, aunque estemos todavía lejos de la Navidad y de Reyes, las calles están llenas de gente comprando. ¿El espíritu navideño se habrá vuelto comercial? Se trata de vender y comprar. En estos días nos volvemos locos, nos atiborramos de comida, gastamos lo que no tenemos y tenemos que alegrarnos y disfrutar a la fuerza con gente que a lo mejor nos importa poco. La sociedad del consumo es un fenómeno reciente en la historia, tal como lo tenemos hoy. En Francia se impone después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50. Empezaremos escuchando un tema de Boris Vian, La Complainte du Progrès, justamente de estos años, del año 1956. Ese polifacético Boris Vian lo fue todo en la música. Trompetista de jazz, autor, compositor e intérprete con canciones muy contestatarias y reivindicativas, algunas censuradas como Le Déserteur, El Desertor. La Complainte du Progrès, La Súplica del Progreso, es la historia irónica de la evolución de las relaciones sentimentales entre hombre y mujer. Antes, para cortejear, se ofrecía su amor y su corazón. Ahora tiene que ser alguno de los electrodomésticos nuevos que han aparecido en el mercado. Entramos en un círculo vicioso de compra y el amor se mide a la capacidad del pretendiente a satisfacer los nuevos deseos de posesión de la chica dictados por la publicidad. Boris Vian se inventa nuevos aparatos como el calienta zapatillas o el saca tomates para ridiculizar aún más este nuevo frenesí. Escuchemos entonces La Complainte du Progrès de Boris Vian del año 1956. La Complainte du Progrès. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture.

nacido en Francia en 1972 de un padre de Madagascar y una madre vasca. Es rapero, pero sobre todo se dedica a la danza y a la coreografía. Nuestro cerebro, lavado como un polo, formatado desde la cuna. Los jóvenes sueñan con lujo, las tiendas están llenas de cosas bonitas. La publicidad, todos los días, pagar el crédito es el futuro. Lo controlan todo, organizan la confusión, alimentan las diferencias. El enemigo no es el de enfrente, pero el que se beneficia del odio del sistema. Escuchemos Ouvre les yeux de Bambi Cruz del año 1997. Je nous cerne comme des esclaves modernes, prisonniers d'un système qui ne cesse de nous berner. Notre cerveau lavé comme un vulgaire polo, retourné, programmé, formaté depuis l'âge du berceau. Ne me dites pas que je suis le seul à essayer de rassembler les pièces de ce puzzle éclaté. Le temps passe, les jeunes se tabassent, casse de vitrines, rêves de flingues, de luxe, de limousines. Les magazines sont remplis de belles choses, on crée l'envie, le rêve, le peuple et sous hypnose. La publicité matraque tous les jours, la technologie avance sauf pour ceux qui habitent les tours. Ils travailleront comme personne, la mainmise fonctionne, leur propre désir les emprisonne. Tu ne peux plus réfléchir, tu dois t'en sortir, payer tes dettes, tes crédits, voici ton avenir. Ouvre les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage, ouvre les yeux. Un sombre pouvoir dans l'ombre opère, génère de l'argent. Un savoir caché aux yeux des plus grands, c'est pas compliqué. Ils sont friqués, je vais t'indiquer comment une partie du monde ils peuvent contrôler. Ils possèdent des banques, des fabriques d'armes, le commerce d'alimentation. Prêt à contrôler une nation dans un pays où l'économie est au plus bas. Ils les font vivre puis se retirent, c'est la guérilla. On en veut au gouvernement qui se défend, achetant des armes avec leur propre argent. Sponsor de la guerre, ils accordent des crédits aux deux parties, mais dites moi qui s'enrichit. Voici leur capital multiplié, leur descendance est à l'abri, mais leur fortune sans le moisi. Ils ont des billets verts à ne plus savoir qu'en faire. Y'a pas de mystère, ils vendent leur âme à Lucifer. Ouvre les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. Passe peur d'illusion, on organise la confusion. On est plus facilement contrôlable sous la pression. On alimente les différences entre les hommes alors qu'il n'y en a pas. Tout le monde est pareil ici-bas. Le racisme, les religions sont de bons moyens pour que l'on s'entretue à leurs frais dès demain. Il ne veut plus que l'on pense par nous-mêmes, parce que l'homme est amour et que le système n'est que haine. J'aime ce thème, mais dorénavant j'essaierai de ne plus me comporter comme un délinquant rebelle. Je payais pas le métro, fumais la ganja. Je réalise que le plus soumis à l'état c'était moi. Je copiais la télé par ce biais accentué les clichés que les jeunes sont tous des mauvais. Apprenez que l'ennemi n'est pas forcément celui contre qui l'on se bat, mais celui qui profite des dégâts. Ouvre les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. Regarde, regarde, regarde, regarde. Ouvre les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. hemos llegado a escuchar aquí todavía a Jean-Jacques Goldman. Sin embargo, es uno de los artistas más relevantes del panorama musical francés. Tiene 65 años, 40 de carrera y tantos millones de discos vendidos como años, es decir, 65 millones. Y su estilo poético rockero nos ha dejado temas inolvidables. Ha escrito y compuesto para muchos compañeros de profesión, tan dispares como Johnny Hallyday o Céline Dion, por ejemplo. Es desde hace varios años la personalidad preferida de los franceses. Es, por otra parte, el hijo de un inmigrante polaco, judío, comunista, héroe de la resistencia contra la ocupación alemana. Dice: sin cosas no existo, me muero de lo que no tengo. Soy alguien sin este coche, tengo, luego soy. Parafrasando la frase de Descartes. Las cosas me dan mi precio, desnudo no valgo nada, quiero la imagen, eso es todo. Escuchemos Les choses de Jean-Jacques Goldman del año 2001. Je veux l'image Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar a Zazie con 52 años y 25 de carrera. Recordar que es una artista muy exitosa y premiada. Es la artista femenina con más victoires de la musique hasta el día de hoy. Sillas, una mesa, una cama, un techo, es todo lo que teníamos. Más bonito, más caro, es todo lo que adoramos. Tantos esfuerzos, todos estos tesoros. El ser humano lo es un poco menos. No somos lo que tenemos. Escuchemos Être et avoir, que significa ser y tener, de Zazie del año 2010. Deux chaises, une table, un lit, un toit, c'était tout ce qu'on avait. 20 ans, pourtant, des rêves en grand, c'était tout ce qu'il nous fallait. Voiture, maison, c'est sûr, c'est bon maintenant, qu'est-ce que ça cache? Seguimos con Damien Saez. Ya lo escuchamos. Tiene 39 años y 10 álbumes en su haber. Es uno de los artistas actuales más contestatarios y comprometidos. Vamos a escuchar J'accuse, Acuso, título de su sexto álbum, referencia al famoso manifiesto de Émile Zola a favor del capitán Dreyfus. Necesitamos gasolina en el coche, el pavo por Navidad, dorarse en las vacaciones, chicas en la tele, píldoras para empalmarse, máquinas en los gimnasios, cobertura para los móviles. Me paseo en los hiper, dicen que hay que echar a los profes y a las enfermeras que trabajan por 1000 euros. Tiremos los móviles al retrete y demos hachazos a la tele. Escuchemos J'accuse de Damien Saez del año 2010.